Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Utopia, architecture et utopie, une série documentaire de Camille Jusa, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a d'abord pour commencer une semaine de programmes spéciaux sur France Culture consacrés aux explorateurs qui nous emmènent de Tintin à Mortefontaine en Picardie, en passant par la reine des égyptologues. Et dans ce cas précis, elle nous entraîne à la poursuite de ces lieux et de ces espaces où l'on imagine un avenir meilleur, de cette part de rêve qui se niche dans la façon qu'on a d'imaginer la ville, la maison, voire même la prison. Et il y a donc aussi, au départ de cette série, l'envie de légèreté, de mobilité, de porter sa maison sur son dos et de plus laisser aucune trace. Alors pour commencer, les personnages. Un apprenti forgeron, un ferronnier, la fille de Jean Prouvé, l'abbé Pierre, une famille en vacances, des architectes utopistes, des Italiens, des Britanniques et des rêveurs. Ensuite, le décor. Du bois, de l'aluminium, des cloisons, des maisons démontables, des villes aériennes, d'autres souterraines, le Swinging London, des souvenirs de vacances et ce rêve étrange de devenir invisible. Aujourd'hui, 4e épisode, qui se souvient de l'après-guerre ? Un an a passé. Et si dans les villes et les villages noircis au feu de la bataille, des Français vivent encore au milieu des ruines, soumis encore à ces drames quotidiens de l'eau difficile, de la chaleur difficile, de la lumière difficile, des baraquements s'élèvent un peu partout pour remplacer provisoirement les 450 000 immeubles complètement détruits. L'hiver arrive en effet, et il ne faut pas que les sinistrés cet hiver n'aient pas de toit. Ces toits, ils les auront. Les grands projets d'urbanisme qu'on étudie pour demain donneront au pays plus d'aise. Mais les sinistrés pourront attendre ces réalisations sous des toits et derrière des fenêtres. Ils pourront attendre les 1500 000 logements prévus dans le plan décennal. Ils pourront attendre le nouveau visage de pierre que préparent à la France les architectes d'aujourd'hui, ces villes et ces villages de demain dont les maquettes sont définitives. Et ne croyez-vous pas que c'était cela l'essentiel ? En 1945, la France libérée est en grande partie détruite. La reconstruction est lancée, d'immenses chantiers démarrent. Une obsession, loger les Français. Jusqu'au milieu des années 70, on édifie à tour de bras. On trace routes et autoroutes. Ingénieurs et architectes se divisent le travail, quadrillent le territoire. Grands ensembles, villes nouvelles, avant un net coup d'arrêt avec la crise pétrolière. Mais ce n'est pas terminé pour autant. Après le collectif vertical, les petits pavillons blanchâtres prennent le relais. La prolifération se poursuit horizontalement. Alors, nous voilà un peu groggy, héritiers d'un urbanisme d'ingénieurs et de grands commis qui n'y sont pas allés de main morte. Des villes sans fin où se succèdent pêle-mêle habitats, zones commerciales et parkings. La mélancolie et l'effroi face à tant de matières et tant d'objets ne sont pourtant pas nouveaux. Dès l'immédiate après-guerre, des visionnaires, des précurseurs, parfois utopistes, propose encore et encore d'autres solutions que celles qui sont alors en train de l'emporter. Pour une autre architecture, plus légère, plus éphémère et plus mobile. Quand l'architecture s'efface, Camille Jusa, Guillaume Baldi. Alors, nous sommes à Arles, à la Fondation Luma, et on vient de pénétrer dans une très grande halle industrielle qui abrite 12 maisons conçues et construites par Jean Prouvé, relativement modestes, ces petites cabanes entreposées sous ce grand toit d'acier industriel. Colline Lessire, vous travaillez ici à la Fondation Luma, et peut-être... Vous pouvez nous rappeler qui est Jean Prouvé et comment il en est venu à faire des maisons ? Parce que nous, on le connaît surtout pour son mobilier. Alors Jean Prouvé, il est né en 1901 et il a commencé en fait assez jeune à être apprenti pour un ferronnier à Paris. Donc il avait une quinzaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui vient vraiment de la matière. Il n'est pas architecte de formation, c'est un ingénieur autodidacte. Donc il n'a vraiment pas de formation académique dans ce domaine-là. Mais très tôt, suite à cette formation en ferronnerie, il va s'intéresser à des procédé de construction. J'avais mes idées sur la construction et quand je fabriquais un petit objet, il était beaucoup plus construit que décoratif. Mais je forgeais à ma manière. Ça ne me satisfaisait pas complètement. J'ai d'abord été tout seul, puis j'ai eu un apprenti. Et j'étais torturé par l'idée de faire de l'architecture, c'est-à-dire de construire l'architecture. Et torturé par mon idée de faire de la construction, je me suis mis à construire des choses. Une grille qui était construite plutôt que décorée en fer forgé, comme on faisait à ce moment-là. Et alors, les architectes nancéiens s'y sont intéressés. Ils m'ont passé des commandes. Et 3 ans après, il y avait 60 ouvriers autour de moi. C'était à quelle époque? C'était avant 1930. C'était entre 25, 26, 27. Et puis, à partir des années 1930, il va commencer à concevoir des systèmes de maisons montables, démontables, avec voilà, différents procédés qui vont permettre une construction légère, simple et facilement manipulable par peu d'hommes. C'est juste avant la guerre qu'il va commencer cela, en 1937, avec des petites maisons qui étaient au départ pour que les gens puissent partir en vacances. On est donc juste après les congés payés de 1936 et il décide donc de concevoir ces petites maisons pour des centres de vacances, pour des centres de loisirs. Et puis c'est finalement la guerre qui va un petit peu précipiter ces constructions-là puisqu'il va les utiliser par la suite en habitat d'urgence pour reloger, notamment en Lorraine, les personnes qui avaient perdu leur logement, leur habitat. J'ai été accueilli par le ferronnier Robert, chez lequel j'ai fait un apprentissage de forgeron, à l'époque où on forgeait 12 heures par jour. Une anecdote de cette époque en dit long sur le caractère de Jean Prouvé. Il avait entendu en arrivant que Sub, le ferronnier en vogue de l'époque, ne l'appréciait pas et qu'il avait demandé à son contremaître de le mettre à l'épreuve sur de très grosses pièces. Après une semaine, à la surprise de tous, il s'en était très bien sorti. Épaté, Sub voulut l'embaucher immédiatement, mais Jean Prouvé le snoba et partit sans même prendre son salaire. Fierté toute normale ou tendance à un esprit cabochard qui lui jouera des tours tout au long de sa carrière. Nourri par l'esprit de l'école de Nancy, Catherine Prouvé, vous êtes la fille de Jean Prouvé. Est-ce que c'est un architecte? Est-ce que c'est un ingénieur? Comment est-ce qu'on peut le définir, Jean Prouvé? Il n'entre dans aucune catégorie. Et c'est pas facile de défendre les gens qui n'entrent dans aucune catégorie. Maintenant, son travail est largement reconnu. Alors, ce que je dirais par rapport à mon père, c'est que il est issu de la mentalité du mouvement d'école de Nancy, qui était un mouvement Art Nouveau, qui était très dirigé aussi vers l'industrie, qui rassemblait des artistes, des peintres, des sculpteurs et des industriels. Parce que c'était après que beaucoup de gens aient quitté l'Alsace pour venir s'installer à Nancy et installer leur industrie. Et ça, c'était très important pour mon père. Et la philosophie de l'école de Nancy était toujours de faire le meilleur pour tout le monde. Et il y a un livre sur les architectes, je ne sais plus très bien quand c'est paru, je l'ai. Alors, on a demandé à mon père de participer, de figurer dans ce livre. Et alors, il disait non. Et alors, c'est marqué, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, je suis un homme d'usine. Et effectivement, ça c'est très important. C'est-à-dire que son travail était issu de la fabrication, enfin, était à l'origine de la fabrication en usine et présentait l'inventivité. Alors, la première cabane ou la première maison démontable, si on s'approche là, c'est donc il y a un petit écriteau, maison démontable 6 par 6, 1944, acier, verre et bois. Acier, verre et bois, c'est tout. Et c'est, alors là, pour le coup, elle est dans son jus. Donc 6 mètres par 6 mètres, hein, on l'a compris. Peut-être on peut entrer dans cette maison donc, qui n'a plus de porte. Hein, il lui manque des panneaux, mais donc nous on entre comme ça. Elle a de la peinture écaillée et un sol en bois. Des panneaux de bois forment les murs. Alors, c'est des maisons qui vont être commandées par le ministère de la Reconstruction à l'époque, qui impose d'ailleurs cette taille de 36 mètres carrés au départ. Il va y avoir pour ce modèle-là 300 maisons commandées et 300 maisons donc réalisées. Là aussi, on se rend compte que le fait que ces maisons soient usinées, industrialisées, ça permettait de construire en série et donc, dans un laps de temps assez court, avoir 300 maisons produites. Ensuite, pour les monter, c'est vraiment de la maison en kit, c'est-à-dire qu'on pouvait quasiment monter sa maison soi-même à la fin, quand on avait commandé ces maisons-là. Et puis, il y a au centre de la maison, donc qui est carré, 6 par 6, ce portique en acier qui est fondamental, c'est le principe constructif de Jean Prouvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, ces maisons ? Alors, ces maisons, effectivement, fonctionnent avec des murs semi-porteurs. Toute la structure dépend de ce portique axial qui ressemble un peu à un compas. D'ailleurs, au départ, Jean Prouvé avait fait simplement des compas. Il va l'améliorer avec cette maison-là en faisant plutôt un U inversé. On pourrait le décrire comme cela. Il est composé donc d'acier. En fait, c'est de la tôle pliée, ce qui signifie que c'est très léger. On n'a pas du tout de plein. On est sur de la matière très légère, très facilement manipulable. Ce portique, il est divisé en deux parties symétriques. Chacune de ces parties pèse un peu moins de 15 kg. Donc peut être manipulé facilement par une ou deux personnes. Ce portique axial soutient ce qu'on appelle la poutre faîtière, qui est cette poutre centrale, vraiment dans l'axe de la maison. Et c'est donc cet assemblage-là qui va soutenir toute la structure de la maison. Par la suite, on rajoute simplement les panneaux qui vont faire donc l'isolation, qui sont des panneaux sandwich, c'est-à-dire que vous avez en fait de l'isolant entre deux morceaux de bois. Ces panneaux font tous la même taille, tous un mètre, et donc sont entièrement modulables. Celle-ci est assez petite, après il va monter la surface de la maison à 54 mètres carrés avec donc le ministère de la Reconstruction, et 54 mètres carrés était fait pour trois pièces. Donc l'idée qu'on puisse avoir deux enfants, les parents et une pièce à vivre. Et je peux peut-être vous raconter une petite histoire rigolote. C'est qu'en 1946, après la guerre, donc mon père dit à ma mère, ce serait bien que tu partes en vacances avec les enfants en Bretagne, etc. Ma mère dit, oui, mais on n'a pas d'endroit où habiter. Ah, mais il me reste une maison de réfugiés dans la cour de l'usine. Tu pars avec la maison, vous passez les vacances dedans, vous vendez la maison pendant ce temps-là. Bon, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc la maison, les éléments de la maison sont partis en train. Ma mère est allée aussi sur place avant pour essayer de trouver un terrain, qui serait absolument impossible à l'heure actuelle, parce que bon, il y a quelqu'un qui a prêté un terrain pour l'été. Nous, on est venus en camion avec le chauffeur qui savait aussi comment la maison se montait. Et dans le camion, il y avait, j'étais pas très grande, mais je m'en souviens, il y avait tout ce qu'il fallait, les draps, les couvertures, les assiettes, tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre là, des meubles démontés. Et on est parti en Bretagne comme ça, la maison a été montée et on a passé l'été dedans. Et c'était quand même merveilleux ça, il fallait le vendre. Alors il y a des gens qui visitaient par curiosité parce qu'ils trouvaient ça bizarre, une maison comme ça, et toujours on était toujours dans les trucs bizarres, c'est bon. Et moi, à un moment donné, je me suis mise à avoir très peur parce que ma mère, elle jouait vraiment le jeu, elle faisait attention, elle aimait toute cette innovation de mon père, etc. Mais vous voyez, le bois à l'intérieur, c'était comme ça aussi, c'était du bois comme ça. Et alors les gens arrivaient, ils savaient pas très bien comment dire que finalement eux, ça les intéressait pas du tout, ils étaient juste venus par curiosité. Et tout d'un coup, ils disaient, oui, mais on va pas pouvoir coller de papier peint là sur. Sur les planches en bois. J'étais terrorisée. Je me suis dit, ma mère va les jeter dehors. Je voyais certains films de Buster Keaton, vous savez, c'est exactement ça. Voilà. Et finalement, la maison a été achetée, a été démontée et a été remontée ailleurs. Donc, c'était très mobile, tout ça. C'était très important pour lui qu'une fois qu'on avait démonté la maison, il ne reste rien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait de ça? C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout envie qu'on creuse le sol, qu'on abîme le sol, etc. Avant qu'il voulait. Bon, alors évidemment, il n'y avait plus d'herbe ni rien du tout, mais ça repoussait après. Et il voulait que ça disparaisse, que ça n'ait pas d'impact sur le paysage, sur la nature. Il le disait, ça. Ah oui, c'était important pour lui, ça. C'était la discrétion. Voilà. C'était important. Il est évident que. L'architecture consiste à construire quelque chose, à édifier un objet. les constructeurs des cathédrales qui nous ont précédés étaient des tailleurs de pierre. Étaient des charpentiers, des tailleurs de pierre. Et ils ont gratifié de tout ce que vous connaissez des choses anciennes. Ils étaient des architectes praticiens, leur métier. Je pense qu'ils avaient raison. Je ne crois pas que ce soit incompatible avec ce que nous devons faire maintenant. Donc, dans ces ateliers, on concevait, on exécutait. Conjointement. Il n'y avait pas de séparation du travail. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on dessinait peu, parce que j'avais constaté que on peut perdre beaucoup de temps à dessiner. Et surtout à dessiner si on ne connaît pas totalement son métier. Oui, c'est un de vos grands principes de dire qu'il ne faut dessiner que des choses qui puissent être exécutées. Il ne faut dessiner que des choses qui puissent être faites tout de suite et économiquement. Or, des projeteurs, puisqu'on les qualifie de projeteurs, qui ne connaissent pas profondément le métier, risquent de s'égarer. Et je crois qu'on en a la preuve dans beaucoup de productions actuelles. En 1949, il fait cette proposition de la maison Métropole devant laquelle on est, tout en aluminium. On n'est plus dans un contexte d'urgence. Il ne s'agit pas de loger des gens qui ont perdu leur maison pendant la guerre, par les bombardements. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors ce projet de la maison Métropole, c'est un projet donc qu'il a construit à partir de 49. C'est une maison dont l'idée de cette maison, c'est vraiment l'idée de la maison de la reconstruction. Elle va, on va dire, symboliser toutes ces recherches vont être mises ensemble pour cette maison-là. C'est vraiment l'aboutissement de tout son travail précédent. Donc on retrouve le système de portique axial en tôle pliée, donc très léger. Il utilise énormément d'aluminium. Il faut rappeler que lui, il a une formation de ferronnier. Donc, c'est quand même des matériaux qui l'ont toujours intéressé. À cette époque-là, il y a aussi une filiale de l'Aluminium Français, qui est une entreprise qui va prendre des parts dans l'entreprise de Jean Prouvé. Donc, il a accès à cet aluminium. On est après-guerre. Les matériaux ne sont plus contingentés. Et donc, on a cette maison qui fait très futuriste pour le coup, pour l'époque. Il dit qu'à cette époque, il veut produire des maisons comme on construit des voitures, comme Citroën construisait des voitures, il voulait construire des maisons à la chaîne. Et ce modèle-là était vraiment fait pour être un modèle usiné, cette maison Métropole. Elle ne devenait, on va dire, faisable à bas prix que s'il y avait énormément de commandes. Donc c'était vraiment son rêve à lui de reconstruire la France, d'avoir énormément de commandes pour ce type de maison-là. C'est vraiment cette idée-là, un trait social quand même dans le travail de Jean Prouvé, de pouvoir loger la France de manière décente. C'est vrai qu'à cette époque-là, après la guerre, il y avait quand même beaucoup de gens qui vivaient dans l'extrême pauvreté. Il va y avoir des hivers de plus en plus froids, donc il y a aussi cette idée-là de pouvoir mettre les gens à l'abri. Donc même si c'est pas dans un contexte d'urgence, il y a toujours cette idée quand même chez Jean Prouvé d'une urgence relative. Et puis, il y a cette idée que la maison, elle n'est pas forcément faite pour durer 3 ou 4 générations, comme les maisons qu'on a pu faire en pierre au siècle précédent. Oui, tout à fait. Il dira lui-même qu'il est étonné, parfois, il a été étonné de voir ces maisons qu'il avait construites pour une génération encore debout, encore habitée quelques générations plus tard. C'est vrai que contrairement aux autres constructions, il n'y avait pas cette idée de rester pour l'éternité. Il y avait vraiment ce but d'être éphémère, comme un passage, on va dire, sur Terre, mais pas cette idée du tout qu'on y vive encore des années après. C'est quelqu'un qui était aussi assez novateur et on voit dans une évolution dans son travail. Et lui, il est plutôt dans l'idée qu'on puisse construire mieux plus tard, mieux que ce qu'il a pu faire ici. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'une fois que la maison est obsolète, on puisse la défaire assez facilement en fait. Oui, la démonter et en même temps pouvoir réutiliser certains éléments. Il y a vraiment cet aspect-là aussi. D'ailleurs, lui, dans son travail, il a parfois démonté des bâtiments qu'il avait faits, il récupérait des façades, récupérait des éléments pour d'autres architectures. On en présente une ici qui a été d'abord une maison de vacances, puis une baraque militaire durant la guerre pour l'armée, puis qu'il a réutilisé comme guérite de gardien pour une usine des années plus tard. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il développe énormément, bien sûr. c'est l'hiver. Thermomètre à moins 15. Et la Marne gelée aux portes de Paris. L'hiver terrible, l'hiver tragique. Et dans cet hiver, des hommes qui dorment sur les bouches du métro. On avait oublié que ça existe, l'hiver, pour les sans-logis. C'est pour s'en souvenir qu'il faut voir la Pomponnette, la cité de l'abbé Pierre, ce village de roulottes et de cabanes, où des gens vivent parce qu'une cabane à courant d'air, où l'on casse la glace le matin, c'est quand même un toit. C'est là que l'autre jour un nouveau-né est mort de froid. Et c'est dans cette roulotte qu'hier, par moins 10, un autre enfant est né. On saura maintenant que ça existe même l'hiver, les sans-logis. C'est pour cela que l'abbé Pierre a appelé tous ceux qui ont un toit à l'aider à sauver du froid de la longue nuit d'hiver ceux qui n'en ont pas. Et la nuit, l'abbé Pierre et ses compagnons s'en sont allés ramasser tout ce qui dans les rues traîne jusqu'au matin parce qu'il n'a pas de maison. Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, une tente de toile sera leur abri. Abri précaire, mais abri tout de même. Alors là, Colline Lessire, on est en train de contourner une maison assez intrigante. Elle est un peu différente des autres parce que d'abord, ses coins sont arrondis et qu'elle nous présente donc une façade beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce aussi. Les panneaux ne sont pas ces panneaux séparés par des menuiseries en métal, mais bon, les jonctions sont un petit peu plus camouflées. Et puis on passe, il y a un panneau entièrement vitré du sol au plafond. On passe devant ces très étranges fenêtres avec des volets métalliques et puis des fenêtres de wagons de train. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Alors cette maison-là est assez différente, on l'appelle la maison des jours meilleurs. C'est une maison qui n'est pas une maison démontable. Alors elle peut être montée et démontée rapidement, mais elle n'a pas été conçue pour être une maison démontable. C'est une maison qui a été construite à la suite de l'hiver 54. Elle a été construite en 56, 54, hiver très très rude en France. L'abbé Pierre crée la communauté Emmaüs et lance un appel aux architectes, aux ingénieurs pour concevoir des maisons pour reloger toutes les personnes qui se trouvent dans les rues. Ah ouais, ah là là. Ouais. Alors là, on est entré dans cette maison des jours meilleurs. Donc Jean Prouvet a fait avec en collaboration avec Emmaüs naissant hein, et l'abbé Pierre. Et en effet, donc peut-être ce qui frappe, on est toujours dans ces intérieurs en bois. Et puis il y a ces très jolies fenêtres qui s'ouvrent avec une manivelle. On a vraiment cet esprit de l'automobile complètement là. Je sais pas si on a le droit de les tourner. Ah, mais c'est extraordinaire. Ah, et on peut tirer le volet. Et donc, une fois la fenêtre ouverte, on attrape le volet et on le tire vers le haut. Et il y en a eu 3 exemplaires, dont un a été présenté, voilà, la maison des jours meilleurs, dont un a été présenté sur les quais à Paris. Voilà. C'est la photo qu'on voit ici. Exactement. Hein. Maison les jours meilleurs, prototype voilà. De la maison pour l'abbé Pierre, oui. Exposition de l'habitation, salon des arts ménagers, quai Alexandre III à Paris, février 1956. Voilà. Et ça, cette maison est très intéressante. Il n'y en a eu que 3 exemplaires, alors que l'idée, c'était d'en faire beaucoup. Et pourquoi il n'y en a eu que 3 exemplaires ? Parce qu'il y avait au centre un noyau, je ne sais pas si on le voit ici. Voilà, ici. Au centre, il y avait un noyau qui permettait les toilettes, la salle de bain, la cuisine par derrière, l'eau arrivait là, etc. Et on a dit non, il faut qu'il y ait absolument une fenêtre dans la salle de bain sur l'extérieur. Bon, c'était pas possible. C'était un très bon moyen pour ne pas autoriser la multiplication de cette maison. Tout était très aéré par ici. Ça avait été très bien étudié. Bon, c'est comme ça. Donc, il n'y en a pas eu plus. Là aussi, ça se montait rapidement. Et c'était pour Emmaüs, donc hein, c'était pour l'abbé Pierre et pour Emmaüs. Voilà. Il y a toujours, ça c'est vraiment très typique de Jean Prouvé, là on reconnaît l'homme amoureux du mobilier et du design, hein, mais tous ces placards intégrés, coulissants, avec des très belles poignées, enfin, il y a une espèce de détail comme ça. Le Corbusier dira que c'est la plus belle création de l'homme qui a été faite, la plus belle construction qui a été faite, que c'est vraiment la maison parfaite. Oui, la lettre de Le Corbusier. Attendez, il faut que j'arrive à lire. Jean Prouvé. Oui, peut-être là. Jean Prouvé a élevé sur le quai Alexandre III la plus belle maison que je connaisse, le plus parfait moyen d'habitation, la plus étincelante chose construite. Et tout cela est en vrai, bon, bien réalisé, conclusion d'une vie de recherche. Et c'est l'abbé Pierre qui la lui a commandée. Après ces déconvenues, Jean Prouvé jette l'éponge. Il ne conçoit plus de maisons usinées destinées à la série et pour le plus grand nombre. Il est sollicité par les grands noms de l'architecture, invente des façades vitrées et du mobilier. Le rendez-vous avec une architecture légère est manqué. La France préfère le béton. France Inter, novembre 1966. Marcel Lotz. J'aurais voulu expliquer aux gens que le paradoxe est que dans notre époque où nous avons à notre disposition les moyens aussi extraordinaires que nous avons, l'habitat de l'homme, ses lieux de travail, ses lieux de formation, enfin tout le domaine bâti, soit resté avec le retard qu'il a actuellement sur toutes les choses. Vous avez une grande admiration pour Le Corbusier, mais en même temps, vous dites, Michel Ragon, nous sommes dans l'époque post-corbusienne. Qu'entendez-vous par là ? Nous n'y sommes pas dans la réalité, c'est-à-dire que nos architectes actuels font du sous-Le Corbusier, du sous-Miss Van der Rohe et du sous-Gropius. Or, les architectes actuels ont tendance à considérer l'urbanisme et l'architecture comme si rien n'était changé depuis 1925, c'est-à-dire depuis le moment où les grands théoriciens de l'architecture ou de l'urbanisme comme Le Corbusier ont fait leurs preuves. J'ai essayé de voir s'il n'y aurait pas quelque chose, s'il n'y aurait pas une espèce d'architecture parallèle ou d'urbanisme parallèle qui se faisait presque dans le secret, dans l'ignorance. J'aurais un frisson beaucoup plus grand si le monde de l'architecture devait rester ce qu'il est aujourd'hui, d'ailleurs. Et malheureusement, il y a, disons, beaucoup plus de chance. Dès les années 50, la critique s'aiguise. Comment peut-on construire autant et comme ça ? Pendant que Boris Vian moque la société de consommation et ses objets imbéciles, et que Jacques Tati fait rebondir M. Hulot sur les vitres d'une modernité compartimentée et rationnelle, le critique d'architecture Michel Ragon compile les jeunes architectes qui voudraient construire autrement et agrège autour de lui une communauté de radicaux qui rêvent d'une autre ville. Aurélien Vernon, vous êtes responsable des collections ici au Fraxon de Val-de-Loire, à Orléans. Et dans cette première salle, un grand dessin de Chanéac. Vous avez face à vous ce dessin de Chanéac qui s'appelle « Ville Alligator », qui est donc un des modèles possibles pour l'avenir et qui donne à voir une grande infrastructure pensée comme un pont, comme une passerelle, une certaine approche biologique, très organique de l'espace, avec un principe de grande infrastructure, une ville infrastructure, pourrait-on dire, qui propose des petites cellules individuelles qui vont permettre aux hommes et aux femmes de se déplacer en continu dans cette ville du futur. Il y a quelque chose du mythe de la modernité qui se radicalise. Michel Ragon et tous ses architectes pensent que l'architecture qui se construit après la guerre est totalement en retard. C'est-à-dire que cette architecture obéit à des formes qui étaient avant-gardistes dans les années 20, mais qui dans les années 60 ne sont plus pertinentes. Et toutes ces petites cellules individuelles que vous décrivez, elles nous parlent d'un nouveau rapport qu'ont les usagers, qu'ont les hommes dans leur désir dire, de mobilité, de consommation. Et donc, ces petites cellules, c'est sans doute l'espace métaphorique de l'individu. Et ça, c'est... Alors, Nicolas Schoeffer est un des artistes, architectes de cette époque, qui, lui, décrit cette époque comme une époque, une ère de l'atmosphère. Et effectivement, il y a ce rêve cybernétique qui doit permettre aux hommes de s'émanciper, de s'affranchir de la gravité, de leur rapport à l'inscription territoriale. Et donc, peu à peu, si vous voulez, l'architecture est en train de disparaître en tant que telle pour se dissoudre, pour se disséminer dans des grandes infrastructures capables de couvrir l'univers tout entier. Donc, cette prospection, ça ne s'exprime pas seulement et uniquement par le dessin, mais Chaneac construit des habitats sous forme de prototypes, il expérimente les matières plastiques, hein, qui est la révolution de l'après-guerre pour le logement, ça passe aussi par les nouveaux matériaux. À Paris, vous avez des gens comme donc Chaneac, Pascal Ozerman, Yonel Schein, qui propose la première maison tout en plastique au Salon des Arts Ménagers en 1955. Comme tous les ans, c'est ouvert à Paris le Salon des Arts Ménagers. Et le Salon 56 attend 1,5 million de visiteurs. Mais l'intérêt de ce salon est surtout basé sur l'habitation moderne, dont deux modèles révolutionnaires sont présentés. Le premier, fait tout entier en matière plastique, ne comporte pas un détail, des murs jusqu'aux plus humbles bibelots qui ne proviennent des matières plastiques issues du charbon. Donc cet habitat en plastique a la particularité de pouvoir se déplacer, de fonctionner sous forme de différentes unités, des capsules en fait, hein, qui vont se clipper, qui vont s'agglomérer et qui vont sans cesse renouveler la forme de l'habitat et a fortiori la forme de la ville elle-même. Donc tout cela, si vous voulez, s'inscrit dans un rapport extrêmement pragmatique, on dirait aujourd'hui, à la recherche, à l'innovation, à la technologie. Ville souterraine, ville flottante, ville cratère, ville suspendue, ville cybernétique, maison bulle ou cellule juxtaposable, les architectes du prospectif planchent, crayon à la main, et trouvent même audience. France Culture, juillet 1970. Il y a déjà toute une école d'architecture aérienne qui essaime un peu partout dans le monde. Yona Friedman, un jeune architecte français, en est un des promoteurs. Et voici sa ville de demain, une ville aérienne où les appartements sont suspendus à une charpente. Je prévois dans la possibilité de réalisation commune d'un réseau. Une sorte de squelette de réseau de plusieurs étages qui permet à chaque... usager, mettre son appartement personnalisé dans l'endroit où il veut. Ces réseaux, bien entendu, doivent être transparents, parce que si elle n'est pas transparent, alors les étages bas seront injustement traités. Et tout ça, naturellement, c'est aérien, c'est l'architecture aérienne. Tout ça, c'est surélevé au-dessus du sol, parce que nous devons libérer le maximum possible de sol pour la circulation et pour la nécessité des loisirs. Caroline Cross, vous êtes conservatrice du patrimoine. Vous avez été la commissaire d'une exposition sur Yona Friedman, architecture mobile égale architecture vivante. On a sous les yeux un très beau photo-collage, photo-montage, une photo dessinée. Où on reconnaît la place de la contrescarpe, c'est une œuvre de cet architecte, donc Yona Friedman, par-dessus laquelle une ville se développe. Oui, en effet, Yona Friedman arrive à Paris en 1958 et il n'hésite pas à acheter dans le commerce des cartes postales de ce photographe Yvon qu'on trouve peut-être dans toutes les familles, dans tous les tiroirs de commodes de famille ou de bibliothèque. Il achète donc des vues effectivement du 5e arrondissement, des Champs-Élysées, de Notre-Dame de Paris, toutes ces photos de cartes postales et par-dessus, il colle des photomontages, c'est des collages photomontages, avec son projet de ville spatiale qu'il élabore avant d'arriver à Paris, qu'il élabore déjà en Hongrie. Il s'agit en fait de construire la ville nouvelle, la ville spatiale, sur la ville ancienne, avec un système de pilotis, un peu à la Corbusier, si on pense à la cité radieuse ou à d'autres villas fameuses de Le Corbusier. Et donc cette ville spatiale repose sur la ville historique, la ville existante. Elle est surélevée et elle est organisée en grille. C'est une grille géométrique modulable qui fonctionne sur la modularité, une ossature métallique qui peut se développer à l'infini sur la ville existante. Après, il pensait cette idée pour Paris spatial, donc il le pense sur les Champs-Élysées, sur vraiment des endroits très historiques de Paris. Il imagine aussi une ville spatiale au-dessus des halles Baltar, en disant qu'effectivement on a fait une grosse erreur de détruire ce patrimoine et que voilà, l'intérêt c'est de conserver l'existant. Un petit peu comme un humain qui va faire une psychanalyse, mais qui va garder ce qu'il est, ses blessures, ses racines, son histoire, et bâtir autre chose, construire autre chose à partir de l'existant. Et quelle est l'utopie de cette ville spatiale ? On le voit si on parcourt les dessins de cet ouvrage que vous avez là, ça finit par être des petites boîtes, des petits modules là dans l'espace, dont on sent qu'il pourrait bouger, hein, dont on sent très rapidement dans les dessins de Jonas Friedman qu'ils sont interchangeables. Oui, en effet. Alors effectivement, l'utopie, bon, c'est une utopie à l'époque qui court un peu partout dans les années 60. On a même parlé de contre-utopie avec des gens comme Super Studio, Archigram, etc. Mais c'est vrai que Friedman va plus loin dans sa manière de définir la ville spatiale, puisqu'il rédige parallèlement à cette esthétique de ville surélevée, de ville en fait en 3D qui est dans l'espace. Il rédige un pamphlet, sa thèse, enfin un livre manifeste qui s'appelle L'architecture mobile. L'architecture mobile, c'est l'idée qu'à l'intérieur de cette ville spatiale, qui est une grille, l'usager va définir lui-même, selon ses besoins, combien de cuisine il veut, combien de chambres il veut, comment il veut aménager sa façade. Est-ce qu'il veut avoir un petit balcon? Est-ce qu'il veut avoir une façade opaque? Est-ce qu'il veut avoir un duplex? Est-ce qu'il veut... Voilà, c'est l'usager qui doit définir selon ses besoins, selon son cahier des charges. Et donc la notion de mobilité, c'est la mobilité de l'usager. C'est-à-dire, Friedman dit, mais moi je trouve scandaleux qu'on puisse construire des tours, des bars pour des gens qui aujourd'hui arrivent avec un enfant ou deux enfants et qui demain auront une famille complètement recomposée ou éclatée. On ne peut pas prévoir pour les gens comment ils vont vivre, combien ils vont être à vivre dans leur maison. Donc il faut au contraire que nous, architectes, nous proposions des solutions architecturales, des solutions esthétiques et plastiques qui permettent à l'usager d'adapter son mode de vie et ses besoins dans ce cadre. Donc c'est l'idée que cette grille, elle est entièrement modulable. Voilà, c'est cette idée à l'époque qui est complètement révolutionnaire pour l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait banal. Évidemment, il ne reçoit pas du tout l'assentiment de ses confrères, des architectes de l'époque qui l'ont toujours considéré comme un peu un marginal, quelqu'un de rêveur. Je veux dire que l'architecte est braqué sur une mauvaise tâche, sur une tâche qu'il n'est pas capable de faire. Et pratiquement, je pose la critique que au lieu de cette tâche qu'il n'est pas capable de faire, essayons de chercher qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il peut être très utile. Je ne suis pas anti-architecte, mais je le crois que pour le moment, il est un alchimiste, même pas un alchimiste. Oui, il procède par intuition. Par intuition. Mais une personne qui agit dans le nom d'un plus grand nombre de personnes, il n'a pas le droit de l'intuition. Il est un des premiers à dire que l'architecte doit changer de rôle, que l'architecte ne doit plus être un constructeur, un bâtisseur, mais un incitateur et un guide pour favoriser l'auto-planification. En fait, l'architecture mobile, si vous voulez, le synonyme de mobilité, c'est l'auto-planification. Il est pour l'auto-planification et il s'en donne les moyens en inventant de nouveaux langages comme la bande dessinée. Il met en place toutes sortes de nouveaux alphabets pour permettre aux usagers d'être eux-mêmes auto-planificateurs. C'est à ce moment-là qu'il laisse tomber l'architecture et qu'il va s'intéresser aux sciences sociales, à la physique, à l'anthropologie, aux mathématiques, parce qu'il comprend là qu'il arrive aux limites en fait, de ce qu'il peut faire pour modifier l'architecture. Et il va emprunter comme ça des chemins de traverse en fait, pour élargir cette notion d'architecture et la faire disparaître. On voit que c'est à ce moment-là, à partir des années années 70-80 que l'architecture ne l'intéresse pas. Plus vraiment, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'en désintéresse et il cherche d'autres entrées. This, ladies and gentlemen, is London. Swinging London, it's been called, though some people might find a different adjective. Social rebels have taken over in what seems more like an invasion than a revolution, because they've got their own new language that is way out and weird, to say the least. De l'autre côté de la Manche, le groupe Archigram fait lui aussi une architecture de papier qui révolutionne l'idée de la ville. Légèreté, mobilité, Archigram suspend ses objets architecturaux dans les airs sous la forme de voiles gonflées entre habitats et véhicules. Le groupe dessine entre autres un fun palace capable d'intégrer culture et attraction et qui annonce déjà Beaubourg. L'architecture se fait événement. Is there any hope? There must be. That girl certainly learned to dig advanced mathematics, and she's not unique because here's an up-to-the-minute girl in a sober publishing firm who has started editing a youngster's magazine. Oui, Archigram, c'est un jeune groupe d'architectes britanniques, effectivement, qui se rencontrent à Londres au début des années 60 et qui sont extrêmement importants par la charge radicale qu'ils vont exercer sur le monde de l'architecture. C'est une architecture qui semble renoncer à toute forme de matérialité. C'est une revue, Archigram, au départ, et donc ils vont publier sous forme de bande dessinée des scénarios de vie future en faisant une sorte de synthèse de tous les mots, de toutes les valeurs de cette société pop, en fait. Hein, c'est l'architecture à l'ère du pop. Vous pouvez nous commenter notamment leur projet Instant City? Oui, Instant City, c'est un projet qui a été imaginé par Peter Cook en 1968. C'est un projet de ville nomade, en fait. C'est le principe d'une ville itinérante qui peut parcourir toute la Terre et qui vient se connecter avec des territoires existants, avec des villes. C'est une ville qui prend la forme en fait d'une grande installation légère, tout en courbe, tout en bulle, tout en toile. On dirait un peu un cirque en fait, hein, quand vous regardez les nombreux dessins très colorés de cette ville, les collages aussi qui donnent à voir le potentiel de cette ville. C'est une ville spectacle, une ville événement. On voit sur ce très beau photomontage comment Instant City arrive sur le littoral français et vient offrir en fait un principe de fête temporaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Instant City reprend sa route vers d'autres paysages, la ville qui a reçu Instant City reste connectée dans un principe de réseau. Elle va pouvoir garder la mémoire de ces événements, de ces grandes projections, de ces grandes fêtes. On est dans cette célébration de l'instant, de l'éphémère et je dirais de la situation. Est-ce qu'il faut comprendre que cette génération d'architectes est en train de renoncer petit à petit à la matérialité de l'architecture et à des choses construites complètement? Est-ce qu'il y a une forme de défiance par rapport à une ville réelle, matérielle? Je pense que la question d'Archigram, elle est très liée à son époque. Elle ne cherche pas des solutions constructives. Archigram assume le fait que ces propositions relèvent d'une approche théorique, d'une approche critique, d'une approche conceptuelle, qui effectivement vise à donner des images de la lecture d'une époque. Et cette analyse de l'époque, elle relève d'une dimension clairement immatérielle. Donc oui, l'architecture au sens traditionnel du terme est vouée à disparaître. En Italie, les architectes radicaux portent sur le monde qui se construit un regard plus pessimiste et plus noir. Dans de petits films qui sont comme de petits essais, l'agence Super Studio montre des paysages sublimes et vierges, peu à peu envahis par une grille orthogonale. Un monde entièrement quadrillé et cartésien, et une humanité devenue nomade, dérivant et s'arrimant à des points de la grille. We can imagine always larger zones of the earth being developed, homogeneous and inhabitable. The grid, when activated, creates a situation of Cartesian plan. Every point is described by the intersection of two straight lines, which is, of course, to be understood not only in the physical sense, but as a visual verbal metaphor for an ordered and rational distribution of resources. Ailleurs, sur des collages, les architectes de superstudios imaginent d'immenses superstructures blanches et quadrillées, des monuments continus qui contaminent peu à peu New York ou Rome, résultat de l'avidité constructive des hommes. La critique formulée par l'architecture radicale italienne va prendre plusieurs formes. Il est évident que Superstudio et Archizum, par exemple, sont sans doute les deux groupes les plus célèbres de cette scène florentine des années 60. Et ils vont proposer des modèles d'urbanisme comme le Monument Continu pour Superstudio ou No Stop City pour Archizum. Peut-être on peut dire à quoi ressemble cette maquette de No Stop City. C'est un module. On comprend que sur cette maquette, il y a donc une grande boîte qui pourrait être le supermarché, le mall, il y a un peu d'habitat, il y a des circulations. Mais surtout, il y a un seul module et il est entouré de quatre miroirs, ce qui fait que ce module se réplique à l'infini. Et c'est comme si toute la surface de la Terre se remplissait de ce même module, parking, habitat, circulation. Et c'est vrai que ça évoque fortement l'étalement urbain qu'on vit aujourd'hui. C'est un projet théorique, c'est un projet critique. On pourrait dire que c'est un projet assez désabusé, mais en même temps, c'est un projet réaliste, en ce sens qu'il fait le constat de ce dans quoi est entrée l'humanité. Donc c'est une ville à l'ère de la consommation, c'est une ville de la mobilité absolue des biens matériels et des hommes. Donc c'est une ville qui prend la forme d'un grand parking totalement aménagé, au sein duquel, en fait, les hommes et les biens se déplacent de façon permanente. C'est une ville qui a évacué toute forme de représentation, toute forme de figuration, toute forme de valeur symbolique aussi. Donc c'est quelque chose d'assez inquiétant. On est dans cette lecture froide et pessimiste que développe Andrea Branzi à cette époque sur la façon qu'il a de percevoir le monde et le futur. Je pense que c'est un des projets radicaux qui a touché au plus juste de ce dans quoi nous sommes entrés avec Internet et avec la ville globalisée telle qu'elle se donne à lire et à être aujourd'hui. Behold, people emerged from the earth through the openings in the submerged work of architecture. They gave us to believe that they lived underground. Au début des années 70, les Italiens de Superstudio ouvrent pourtant une perspective plus légère. Dans leur film d'anticipation, Cerimonia, de jeunes gens émergent de trous creusés dans le sol. Sorte de maison souterraine immense, mais qu'on ne verra pas. Le sol de la terre, paradis inviolé, leur sert de toit. L'architecture du futur ne sera donc pas futuriste, et pour cause, elle a entièrement disparu. We are not going to show you the house which lies in the shadow. We will only show you how we live or would live in the invisible house. What we are doing before your eyes is thus erecting this invisible house. Que reste-t-il de l'idée d'une architecture légère et d'un architecte qui s'efface ? L'inquiétante prolifération urbaine d'une part, l'épuisement des ressources naturelles comme le sable, le zinc ou le fer d'autre part, nous oblige à reconsidérer les visions utopistes des architectes d'avant-garde. Mais peut-on construire autrement ? A-t-on demandé à l'architecte Patrick Bouchain, qui s'est attelé depuis les années 70, à faire avec ce qui existe déjà, sans détruire ni trop en rajouter. Je suis parti donc en Afrique diriger la cinémathèque du centre culturel d'Abidjan. J'ai donc découvert ce qu'on appelle une architecture vernaculaire. Et je découvre à ce moment-là une architecture qui n'est pas la mienne, qui est une architecture en terre, en paille et autres, et surtout un peuple qui est complètement en osmose entre la terre et son architecture, entre l'agriculture et l'architecture. Et on pourrait dire que on entretient tous les jours sa maison. C'est pas faire le ménage, on entretient sa maison. Et j'ai donc décidé de ne jamais construire. C'est-à-dire de ne jamais construire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est architecte, de ne jamais construire ? Eh bien, c'est-à-dire que de considérer que tout ce que l'on a est déjà beaucoup et que peut-être on n'a peut-être pas besoin d'en rajouter, ou tout au moins on pourrait, avec ce que l'on a, le transformer. Et du coup, ne jamais construire, c'est de dire, au contraire, peut-être construire tout le temps, réparer tout le temps. Ben, j'ai utilisé un terme très tôt que les autres architectes considéraient comme péjoratif, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été considéré comme architecte, c'est que j'ai toujours dit que je préférais réparer que construire. Puisqu'on voit bien que tout ce que l'on a construit en neuf après la guerre, non seulement on ne le répare pas, mais on le détruit, et pensant qu'il faut reconstruire autrement ce que l'on a mal construit. Et moi je pense qu'on aurait mieux fait après la guerre de réparer ce que l'on avait détruit par la guerre, ce que l'on n'avait pas fait avant la guerre, et peut-être avoir une architecture humaine et non pas une architecture fonctionnelle. Aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est précisément cet habitat social. Quand on décide de ne pas construire, comme c'est votre position, comment on fait de l'habitat social ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet existant qu'il ne faut pas détruire ? Quand je dis réparer, c'est rajouter la couche. Et dans la réparation, c'est peut-être redescendre à la petite unité d'habitation. Ce qui n'a pas marché, enfin, ce qui était nécessaire peut-être pour des raisons d'urgence, c'est la construction de masse. On ne revient pas dessus. Donc moi, ce que je demande justement, c'est bah, puisqu'on a ça, on fait avec, on ne le détruit pas parce qu'on l'a payé avec l'argent social. Il faut diminuer les échelles pour redonner à ces échelles des échelles de vie commune. Mais ce rajout n'est pas technique, ce rajout il est politique, c'est politique, il est social, il est culturel, il est amoureux même. Il faut aimer sa ville, on ne peut pas être heureux si on n'aime pas son logement et sa ville. Quel est le rôle de l'architecte dans cette couche supplémentaire dont on comprend qu'elle partirait des habitants? On imagine bien, là, on pense à une participation active des habitants. Alors, qu'est-ce qui vous reste à vous, monsieur l'architecte ? Il nous reste que, d'abord, on pourrait penser que tout le monde est un architecte. Il y a, on va dire, 5% de la production architecturale qui doit être faite par de grands architectes. Moi, je ne suis pas contre le métier d'architecte, mais il y a 95% d'une architecture qui est une architecture du travail, une architecture domestique, une architecture de la vie. Il faudrait donc que les architectes descendent de ce piédestal de tous vouloir faire des médiathèques, des opéras, des musées, si vous voulez. Voilà, que certains aient envie de le faire, très bien. Mais il y a tout le reste, et comme il y a beaucoup d'architectes, on ne leur a pas indiqué que c'était magnifique d'accompagner quelqu'un, c'est une participation active. Je crois qu'il est toujours dangereux d'arriver trop tôt. Parce que quand on arrive trop tôt, on bouleverse les esprits, ce qui fait qu'on vous écarte facilement. C'est un peu ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à toute mon équipe. Chaque fois que j'ai exposé des constructions comme celle-ci, il y a eu un acquiescement instantané des gens qui venaient voir. Ce qui me révèle qu'on juge bien mal les Français, des gens qui sont habitués à leur vieille architecture, une chaumière c'est vraiment beau quand elle est véritable, et qu'il faut leur refabriquer industriellement ce qu'ils aiment. On ne peut pas industrialiser le chaumière, c'est stupide. Citroën n'a pas industrialisé le carrosse de Louis XIV. Ils ont sorti quelque chose de nouveau. À nous d'en faire autant pour le bâtiment. Et jugeons un peu mieux nos compatriotes, en pensant que si on leur montre des choses, ils vont peut-être accourir. Mais il ne faut pas leur raconter, il faut leur montrer. Et je crois qu'un avantage de ce qu'on faisait à Maxéville, c'est qu'on montrait ce qu'on faisait. C'était « Quand l'architecture s'efface ». Merci à Colline Lessire, Catherine Prouvé, Aurélien Vernant,